to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Oh oui, bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile, dernière de la saison. La terreur a frappé à nouveau, cette fois à Manchester, des adolescents. Exactement le genre de nouvelles qu'on souhaite ne jamais entendre. Exactement le genre de publicité aussi dont se délectent les terroristes. Et c'est ce qui a été beaucoup dit d'ailleurs. Malheureusement, les terroristes cherchent la pub. Ils veulent entretenir cette image qui dit que tout le monde est en danger où qu'il soit. Et en attaquant des adolescents, ben là, le message est clair, clair, très clair. Après les événements, on prend un peu de recul, puis on se met à réfléchir. Puis on se dit, l'actualité nous donne de quoi réfléchir, de quoi venir voir même en gros, en caractère gras, très gras, ce qui se passe en réalité. Trump est allé faire le clown en Arabie Saoudite, à se promener à genoux comme un petit chien-chien pour revenir avec des contrats de 380 milliards avec ce pays, dont 110 milliards pour des armes. Ah ben oui. Pour lutter, semble-t-il, contre le terrorisme. La belle affaire. Sauf que pour de l'argent, Trump et ses milliardaires de l'industrie militaire sont prêts à tout oublier, à tout nier, à marcher dans le visage de l'humanité. Pour du cash, là, ça, pas de trouble. On te fait ça, là, pas de problème. Les droits de l'homme, les droits de la femme, on s'en fout. Ça paye. En réalité, c'est qu'après Manchester, le terrorisme sera encore plus fort, encore plus vigoureux. Ils auront de nouvelles armes, toutes fraîches, high-tech, made in USA, c'est-il pas beau, ça? Parce que dans les faits, l'Arabie Saoudite soutient le terrorisme, les massacres. C'est le pire pays de la planète pour les droits de la femme. Bref, c'est un pays qui contribue activement au malheur de l'humanité. Activement. Mais, pourquoi leur parler des droits humains, hein? Pourquoi faire affaire avec eux? Pourquoi? Trump l'a dit, hein? Je vais pas là pour leur dire comment vivre leur vie. C'est sûr que si Trump aborde le respect de la femme, ça va rire dans la salle un peu. Ça c'est sûr, ouais. Trump est pourtant celui qui ferme ses frontières aux musulmans, celui qui se fait du capital politique sur le mot arabe, tout ce qui s'y rattache d'ailleurs. On n'aime pas ceux qui font du terrorisme, sauf ceux qui sont payants. C'est ça qu'il faut retenir, hein, c'est... Au lieu d'oublier sa ridicule idée de mettre tous les musulmans dans le même panier, se montre sélectif. J'aime ceux qui sont payants. Voilà la vérité. Pas les pacifiques, là, pas les familles, pas ceux qui souffrent, pas la culture. Non. Ceux qui sont payants. Voilà, mes amis. Voilà ceux à qui je tends la main. Donc, on prend des notes. Aux États-Unis, les milliardaires de l'industrie militaire préfèrent grossir leur compte de banque que de sauver des vies. L'industrie militaire n'est pas là pour assurer, voire imposer la paix. Non. On impose la guerre, la mort, le sang. Parce que c'est payant à mort. Oui, c'est payant à mort. Ils combattent pas le terrorisme, ils le nourrissent. Et ça dure comme ça depuis des décennies. Et c'est pas prêt de changer. Ouais, ça donne mal au cœur tout ça. Bienvenue à Econophile. Ah oui, pour nous trouver sur les internets, les réseaux sociaux, facebook.com/econophile891, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau, où c'est écrit « En savoir davantage », vous cliquez et hop, vous vous retrouvez sur le blog. Vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons. Vous y trouvez également la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Ça va rester là tout l'été pour écouter ou réécouter quand bon vous le semble, même pendant l'été, pendant les vacances, parce que ça va vous changer du manger mou habituel. filet rock un peu. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Ton éditorial était pas très très jojo pour une fois. Ben non, c'est vrai, mais tu sais, j'ai de la misère quand je parle de Trump à être jojo, à part faire des farces ou plutôt méchant parfois, ça m'arrive là. Mais non, écoute, c'est ça que ça m'a laissé comme impression cette semaine, le terrorisme. Je me suis dit, tiens, au même moment où on vend des armes, puis on en a parlé hein, ici de l'activité économique entourant l'industrie militaire, on le sait que c'est ça. Mais donc, pour cette dernière, Jean-Claude, nous, dernière de la saison, pour finir, on fait quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'un livre en particulier, mais plutôt s'inspirer d'une revue de presse pour parler d'un sujet en particulier, et tu y tenais, la gestion de l'offre. Oui, parce que la gestion de l'offre dans le secteur du lait, là, qui est dans l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, et qui l'est doublement aujourd'hui, parce qu'on sait que Maxime Bernier, qui sera peut-être élu chef conservateur ce soir, a pris position sur le sujet pour dénoncer la gestion de l'offre, ce qui est quand même extrêmement surprenant pour le député d'une région qui est très axée sur la production laitière. Donc, c'est dans l'actualité, mais pour moi, c'était aussi une occasion de réfléchir sur le concept plus large, finalement, de réglementation de différents secteurs économiques. Et si l'occasion le permet, on pourra mentionner qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste le secteur du lait qui est l'objet de réglementations économiques sous une forme ou sous l'autre. Oui, d'ailleurs, et même aux États-Unis, on vous en parlera aussi. Il y a une manière de dire on veut que ça soit libre d'un bord, mais pas libre de l'autre. Enfin, bref, on est capable de parler des deux côtés de la bouche. Mais on va vous dire un peu ce que c'est, quels sont les pour, quels sont les contre, et après coup, ben, vous pourrez vous faire une tête plus facilement. Et fait étonnant, d'ailleurs, Jean-Claude Cloutier va réussir à me faire lire quelque chose concernant l'Institut économique de Montréal. Alors, bonne émission. Commencer, je vous propose de faire effectivement lecture d'articles tirés des médias pour placer un peu les choses d'abord. Je vous en fais la lecture, puis ensuite Jean-Claude et moi en discuterons tout simplement. Donc, pour placer les choses, hein, qu'est-ce que c'est la gestion de l'offre? Alors, il y a des articles dont le site des producteurs de lait, bien entendu, s'avance sur la chose. Il dit ceci, qu'est-ce que la gestion de l'offre? La gestion de l'offre apporte un meilleur équilibre dans le marché. Elle permet aux producteurs laitiers de négocier collectivement les prix et planifier la production de lait totale afin de répondre à la demande des consommateurs. Donc, on voit l'objectif. Alors que les producteurs de partout dans le monde font face à des fluctuations imprévisibles dans le marché, les producteurs canadiens vendent leur lait à des prix stables. La production laitière canadienne est l'une des quelques industries agricoles autosuffisantes, sans subvention du gouvernement. Les producteurs laitiers investissent dans leurs fermes et leurs collectivités et contribuent à l'économie canadienne. Bon, évidemment, les petits oiseaux cuits, c'est magnifique ce bout-là. Dans les médias, sur le site de Radio-Canada, on trouvait ceci. Le système de gestion de l'offre alloue des quotas aux producteurs de lait, d'œufs et de volailles, ce qui leur assure un certain revenu sans subvention gouvernementale. Donc, on rejoint là-dessus les producteurs. Ottawa s'engage par ce système à limiter l'entrée de produits importés pour que la demande soit comblée par la production canadienne. Ce mécanisme a été mis en place dans les années 70. Les Américains n'ont pas de système de gestion de l'offre. Le secteur laitier semble pourtant avoir le vent dans les voiles, au Wisconsin notamment, deuxième état laitier en importance, baptisé America's Dairyland. Au Wisconsin, rien ne limite la production. C'est ce qui a convaincu le Canadien Gordon Spears de vendre sa ferme en Alberta en 2003, de s'établir dans la communauté de Brilliant, où il a bâti l'entreprise laitière de ses rêves. Il doit cependant composer avec la grande fluctuation du prix du lait sur le marché mondial. Dans cet état du Midwest américain, les petites fermes laitières disparaissent au profit de grandes entreprises, souvent multigénérationnelles, et l'impact environnemental de ces méga-fermes est de plus en plus critiqué. Je termine avec un dernier segment. La gestion de l'offre a protégé les producteurs laitiers canadiens de baisse de prix plus dramatique encore, croit l'agroéconomiste Daniel Mercier-Gouin de l'Université Laval. Au Canada, le prix à la production a baissé en moyenne de 7 % en 2015. Alors il dit, dans les autres pays, notamment les États-Unis, la baisse des prix du lait en 2015, c'est près de 30 %. En France, 15 % de baisse. Et finalement, en Nouvelle-Zélande, où 95 % de la production est exportée, 48 % de baisse de prix. Donc, on voit qu'en termes de stabilité, le système de gestion de l'offre a fait le travail. Si la gestion de l'offre n'empêche pas la disparition de fermes laitières au pays, la tendance est moins accélérée. Le modèle canadien, avec sa mise en marché collective, assure aussi une production dans toutes les régions, favorisant ainsi l'occupation du territoire. Pour le producteur laitier Bruno Saint-Pierre, il est clair que le modèle canadien mérite d'être préservé. C'est un modèle coopératif, c'est un modèle solidaire, c'est un modèle d'entraide. On n'a pas l'impression que le voisin, c'est un compétiteur. J'espère qu'on est capable de sauver ce qu'on a. Il y a beaucoup de choses en même temps sur la table de mise pour commencer. Ce qu'on comprend, en tout cas, c'est qu'au départ, il y avait une volonté d'encadrer le secteur. Ça, c'est ce que j'en retiens déjà au début. Oui, puis on pourrait y revenir dans la discussion des avantages, des inconvénients de la gestion de l'offre, mais l'article que tu as lu aurait pu ajouter que ça a été créé au début des années 70 parce qu'effectivement, il y avait de fortes fluctuations sur l'offre de lait au Canada et souvent, il y avait des surplus, puis le gouvernement fédéral était obligé de racheter les surplus aux consommateurs. Alors, ils ont trouvé que ça coûtait trop cher, ils ont décidé d'implanter le système. En fait, il y a deux composantes. La lecture que tu as faite incitait sa première composante, c'est-à-dire on a distribué des quotas à l'échelle canadienne. Vous avez le droit de produire tant de milliers ou de millions de tonnes, je ne sais pas trop, de lait. Puis ça a été réparti entre les provinces elles-mêmes, à leur tour, les ont distribués à leurs fermes, à leurs fermiers, à l'intérieur donc de chaque province. Mais l'autre composante, au-delà des quotas, c'est les tarifs douaniers là, extrêmement prohibitifs à l'importation, parce qu'il n'est pas complètement interdit d'importer des produits de lait de l'extérieur, mais sauf que ça a peut-être été rajouté, mais l'article que j'ai lu date de 2007, mais je pense que c'est encore bon. Les tarifs étaient autour de 250 ou 300 %. Autrement dit, c'est des tarifs, c'est une façon polie de dire on veut rien savoir de vous autres. T'sais. On veut pas vous importer des produits de chez vous. Ceci étant dit, peut-être rajouter qu'il commence à avoir des brèches quand même dans le système des quotas parce que de lait, on sait que l'accord Canada-Européen qui a été signé en principe l'an passé, qui demeure encore être approuvé au niveau de l'Europe, on a introduit des brèches en disant qu'il y aurait un certain volume de fromage à tout le moins, certaines quantités de fromage qui pourraient rentrer sans ces fameux tarifs-là très prohibitifs. Exact. On lisait notamment que fin des quotas laitiers en Europe, le printemps 2015 a marqué la fin des quotas laitiers dans les pays faisant partie de l'Union européenne. Le prix mondial du lait s'est effondré au même moment, d'ailleurs, on notait ça. En pleine crise économique, la Chine a acheté moins que prévu alors que l'embargo russe sur les produits européens se prolongeait. Résultat, en France, le prix du lait à la production a baissé de 25% en moins d'un an. Depuis, les agriculteurs français survivent tant bien que mal. C'est ce qu'on écrit dans l'article. Il y a aussi, chose intéressante, c'est de replacer aussi dans le contexte. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un secteur qui est économiquement très lourd. Hein? C'est un secteur important. Si tu me permets, j'y vais avec les chiffres. Peut-être que j'ai devant moi, ça te convient? On parle de 5856 fermes au Québec, 110 usines, 83 000 emplois directs et indirects, 3 milliards de litres de lait produits, 2,4 milliards valeur de la production, c'est quand même pas rien, 6,1 milliards de la contribution au PIB et 1,3 milliards en retombées fiscales. Fait que c'est pour ça aussi que quand ce secteur-là a des problèmes, il y a des gens qui écoutent. Tout à fait, ça a des conséquences assez sérieuses là pour beaucoup de personnes. Et parce qu'on parle qu'il y a 15 000 fermes, mais c'est quand même intéressant de noter que ça l'emploie au cours de 83 000 emplois. Donc, ça génère beaucoup d'activités sur la ferme d'abord, puis autour des fournisseurs autour, tout dans le réseau de distribution là, qui est en aval par rapport aux fermes. Mais on vit des conséquences, et ça, on le voit aussi, ça a été mentionné rapidement dans l'article, là, que la situation... En changeant, il y a des fermes quand même laitières. Il y a un risque. L'intérêt pour lequel on parle de la gestion de l'offre et qu'on le remet en cause, c'est qu'on se dit, si on commence à jouer ça, il y a des risques qui sont sur la table. On a dit qu'entre 2002 et 2014, on est passé de 18 à 12 000 fermes laitières au Canada. Il y en a moins. C'est sûr que c'est un secteur qui est plus compliqué et on a tendance à grossir. C'est ce que je comprends. C'est qu'on a tendance à grossir les fermes pour être capable de faire face à la musique. Ben, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité économique. Moi, j'ai appris ça en première année d'économie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cycle de vie de n'importe quel secteur économique. Ça commence, il y a beaucoup de petits producteurs, et progressivement, ça se consolide de plus en plus sous le fait de la compétition. Les plus gros achètent les moins gros ou les plus petits. Puis finalement, on finit par se ramasser, en tout cas dans le cas du secteur laitier, ce qu'on a appelé des méga-fermes. Évidemment, c'est surtout présentement aux États-Unis. Et en Nouvelle-Zélande aussi, on pourrait revenir tantôt sur le cas de la Nouvelle-Zélande, mais c'est qu'il y a une espèce de on se dirige vers un gigantisme qui a toutes sortes de conséquences. L'article que tu lisais le mentionnait, entre autres, c'est des conséquences environnementales, parce que gérer une ferme de je sais pas trop combien de milliers de vaches, là, ça finit par créer pas mal de purin, ça. Et puis c'est concentré à un seul endroit, donc qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'on prend la peine quand même de mentionner, parce qu'on l'a dit, c'est pas le seul secteur. On parle du lait, mais ce qu'il y a aussi d'important avec ça, c'est le fait que c'est dans bien des secteurs qu'il y a de la gestion de l'offre ou quelque chose qui ressemble. Ben, il y a notamment la gestion de l'offre comme telle, de la manière qu'elle fonctionne. Si tu l'as mentionné, l'article l'a mentionné, il y a 5 secteurs, dont le poulet, les œufs, le dindon. Oui. Je pense qu'il y a deux sortes d'œufs, en tout cas, peu importe. Mais il y a également des formes apparentées qui s'appellent pas gestion de l'offre, qui procèdent différemment je dirais presque tous les secteurs d'activité économique. Un exemple très connu qui ressemble un petit peu finalement au lait, c'est le secteur du taxi, où là, ça s'appelle pas des quotas, ça s'appelle un permis de taxi qui, au fil des années, a pris de plus en plus de valeur. Puis maintenant, les gens craignent que, sous la poussée d'Uber, par exemple, sous la poussée de nouvelles modes de transport, que la valeur de leur permis baisse. Et là, c'est le drame parce que on vient de perdre finalement le fonds de pension. Alors, c'est un des effets pervers du système de quotas, parce qu'il y en a quand même des effets négatifs, c'est que ça devient, il y a une espèce de spéculation qui s'introduit là-dedans, mine de rien, qui s'est introduit au fil des années. Les quotas, au départ, avaient reposé sur une intention très louable, c'est-à-dire protéger les producteurs, mais ça allait effectivement réussir à les protéger. Les exemples qu'on donnait tantôt, en comparant avec les États-Unis ou avec l'Europe ou avec la Nouvelle-Zélande, le démontrent très bien, mais ça a aussi un effet pervers de créer une espèce de rente là sous la forme de quotas qui fait que maintenant, on peut plus transférer les fermes aux générations suivantes parce que le quota coûte trop cher. Puis celui qui a travaillé 30 ou 40 ans sur sa ferme, ben lui, il dit, moi, je peux pas baisser la valeur du quota. Il dit, c'est ma pension que je vendrais qu'à rabais à ce moment-là. Mais on parle beaucoup de l'avantage du producteur. Il y a quand même un avantage, entre guillemets, quelque part pour le consommateur. Quand on va lire les arguments contre, on va dire que c'est pas le cas, mais il y a aussi cet argument-là de dire, ben, en même temps, ça stabilise les prix. On est moins victime des fluctuations. Ben ça, je suis moins convaincu. Dans le fond, moi, j'étais assez sensible aux arguments de ceux qui, comme Maxime Bernier ou l'Institut économique de Montréal, qui semblaient dire, parce que ça semblait correspondre à mon expérience de consommateur, que les prix laitiers étaient très élevés au Canada, au Québec en tout cas, et puis c'est souvent mentionné que ça coûte beaucoup plus cher qu'une bouteille de Coke, là, acheter un litre de lait, et le fromage... Quand on va en France, on trouve le fromage vraiment abordable. Ben, c'est ça. Mais par contre, les producteurs de lait, par contre, réplique en disant, puis c'est très convaincant, je ne sais pas qui dit vrai entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais il n'y a pas du tout de lait, nous sortir des chiffres qu'on pourrait citer à l'effet que, finalement, c'est à peu près la même chose. Il y a des variances, bien sûr, mais ce n'est pas du simple au double là, entre le prix qu'on paye au Québec et le prix qu'on paye aux États-Unis ou en Europe ou même en Nouvelle-Zélande ou en Chine. Là, c'est des prix qui sont quand même dans les mêmes zones de prix, si on peut dire. Ce n'est pas des écarts extraordinaires. Dans quelques secondes, on vous revient avec des arguments pour. Puis après ça, on va parler de ceux qui sont contre dans quelques instants. Très bien. Alors, allons-y tout de suite avec ces quelques arguments pour. On en a glissé un mot rapidement, mais il y a quand même les producteurs d'huile de lait, évidemment, mais bien sûr qu'ils vont dire, mais ils placent les choses quand même clairement. Alors, pourquoi la gestion de l'offre fonctionne-t-elle pour les Canadiens? Alors, ils disent, elle soutient les collectivités. Les producteurs obtiennent un juste prix pour leur lait, permettant à leur famille de toucher un revenu comparable aux autres familles canadiennes, sans dépendre de subventions gouvernementales. Ils réinvestissent 90% de leurs revenus agricoles dans leurs fermes. Ces investissements locaux contribuent à l'économie de partout au pays. Bien sûr, quand un agriculteur fait des affaires, il y a des retombées économiques, ça c'est sûr. Elle maintient des prix stables. Alors, eux, ils l'affirment. L'indice des prix du lait et des produits laitiers a augmenté un peu moins que l'indice des prix à la consommation consommation au Canada au cours des 30 dernières années. Le prix moyen que paient les consommateurs pour leur lait au Canada est semblable à celui de la Chine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe et de nombreux États des États-Unis. Il y a quelques années, la crise alimentaire mondiale faisait grimper les prix de détail de divers pays du monde. Pendant ce temps, les prix à la ferme et au détail du Canada sont demeurés stables. Elle ne requiert pas de subventions du gouvernement, si on l'a dit à quelques reprises. Les Européens et les Américains paient leur lait deux fois, disent-ils, une fois au magasin et une autre pour les subventions. Aux États-Unis, ce sont environ 4 milliards de dollars par année qui sont versés au secteur laitier. Au Canada, les producteurs laitiers ne reçoivent pas de subventions du gouvernement. Ils disent aussi que les prix de détail du monde entier sont comparables, comme en a parlé Jean-Claude il y a quelques instants. Des importations importantes sans tarif aussi. Les détracteurs de la gestion de l'œuf prétendent qu'elle ferme la porte aux importations. C'est tout simplement faux, disent-ils. En fait, nous importons plus de 5 % de produits laitiers en franchise de droit. L'Union européenne, dont la production de produits laitiers est fortement subventionnée, en exporte 10 fois plus au Canada qu'elle en importe, bien qu'elle compte plus de 500 millions de consommateurs. Je termine avec ceci. La Coalition pour un modèle agricole équitable écrit « Les trois piliers de la gestion de l'offre sont la planification de la production en fonction de la demande des consommateurs canadiens, donc pour éviter de se retrouver avec des surplus, prix à la production négocié en fonction du coût de production, contrôle des importations pour ajuster efficacement l'offre et la demande. » Parce que la gestion de l'offre, un modèle avantageux pour les citoyens qui ont accès à des produits d'ici de grande qualité à des prix raisonnables sans avoir à soutenir les agriculteurs à même leurs impôts. Pour les gouvernements et pour l'ensemble de la société qui bénéficie des importantes retombées économiques et fiscales du secteur. Pour l'industrie agroalimentaire qui est assurée d'un approvisionnement régulier de produits de grande qualité. Et pour les producteurs qui obtiennent un juste revenu entièrement du marché. Jean-Claude, allons-y tout de suite. Donc, c'est quelques arguments. J'en ai d'autres dans ma manche, mais on va commencer à ouvrir là-dessus. C'est sûr que c'est très vertueux. C'est volontaire de ma part d'aller voir chez ceux-là même qui sont les producteurs qu'est-ce qu'ils ont à dire. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients dans ce qu'ils disent. Puis aux arguments des producteurs, surtout après m'être rendu compte, comme je le mentionnais tantôt, puis ton article le rappelait, que finalement, c'est pas sûr que ça nous coûte beaucoup plus cher en tant que consommateur, ouais. Même si on a parfois l'impression que le lait et le fromage coûtent très cher au Québec, c'est peut-être pas beaucoup mieux ailleurs. Ça m'a un peu rassuré par rapport à un des inconvénients possibles de la gestion de l'offre. Moi, je vois deux avantages énormes à la gestion de l'offre. Un dont on a déjà beaucoup parlé dans les dernières minutes, c'est ça soustrait les producteurs laitier à ce que j'appellerais une mécanique infernale des cycles économiques, c'est-à-dire quand c'est complètement un marché, quand c'est complètement un libre marché, c'est-à-dire que ça incite beaucoup de producteurs puis des gros producteurs à inonder le marché finalement avec les produits parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à faire, mais ils font toujours, comme on dit en anglais, de l'overshoot, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de qu'est-ce que le marché peut prendre, puis on se ramasse avec une baisse de prix soudaine parce qu'on veut, le lait, évidemment, c'est une denrée périssable, on peut pas stocker ça comme le blé pendant des années, ou le sirop d'érable, en attendant que le marché prenne. Alors, l'exemple de la Nouvelle-Zélande a été mentionné, mais peut-être la référence aux prix internationaux que je voyais. Exemple, par rapport au prix en 2010, le prix de gros du lait, si tu veux, c'est marché, ça avait augmenté de 50 %. Le prix de gros avait augmenté de 50 %, ah ouais. Deux ans après, en 2012, mais il a rebaissé d'un autre de 100 % par rapport à 2012 en 2015. Fait qu'on, c'est du yo-yo, c'est des montagnes russe, ça, c'est pas très bon pour la santé nerveuse, si tu veux, des producteurs agricoles. C'est pas très bon pour l'investissement aussi, parce que les arguments comptent, l'Institut économique de Montréal va nous dire que ça empêche les entrepreneurs, les producteurs de croître. Mais je veux dire, quand tu t'exposes à des hausses ou à des baisses de 50 ou de 100 %, tu risques d'avoir le pied sur le frein plus que d'autres choses. Tu dis, je vais être prudent, là, je veux dire, oui. Je prendrai pas trop de risques. Ça, c'est un des principaux inconvénients. L'autre inconvénient, puis personne ne le mentionne, mais ça nous rappelle le bon vieux Jean Garon, décédé il y a quelques années, que je trouve, qui est réputé comme étant le meilleur ministre de l'Agriculture qu'on ait eu au Québec. Lui parlait beaucoup d'autosuffisance. Puis il faut se rappeler que tous les pays protègent leur agriculture parce que il faut quand même être sensible au fait que si on se met à dépendre de l'approvisionnement à lait de la Chine, c'est pas trop, trop rassurant. Ouais. Ou de la Nouvelle-Zélande qui est complètement aux antipodes, ou des Américains, tu sais pas trop c'est quoi le procédé de production, ou le respect de l'environnement qui est en vigueur là-bas. Moi, je suis porté à dire, soyons prudents avant de dépendre entièrement ou très largement d'autres pays pour l'approvisionnement d'une denrée alimentaire aussi importante que le lait. L'argument de la qualité, est-ce que tu y as... Tu y crois? Ben, j'ose à peine le mentionner, mais quand j'ai dit à votre du lait qui viendrait de Chine, ça m'inquiète un peu. C'est ça que ça voulait dire? Moi, j'aime bien la mélamine, mais pas dans mon café. Ouais, c'est ça, c'est plus pour les meubles. Il y a quand même d'autres arguments, je sais pas si t'en as d'autres, mais il y en avait un qui est intéressant que je relève ici. Les arguments, parce que ça me rappelle ce dont on a parlé, notamment quand on a abordé ton livre, c'est-à-dire les déclarations sur, en parlant du climat, il y a entre autres, je vais le trouver ici, les déclarations de Donald Trump sur la concurrence déloyale des producteurs de lait canadien ont trouvé écho jusque dans la salle de traite du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les producteurs rejettent l'abandon par le Canada de la gestion de l'offre qui permet de maintenir l'équilibre entre la demande en produits laitiers et la capacité de production, ce qui revient à ce qu'on disait. Mais plus loin, donc, le vice-président du syndicat régional, Daniel Gobeil, affirme que l'abandon de la gestion de l'offre pour faire place au libre marché à l'américaine, qui comprend des subventions du gouvernement, serait catastrophique pour les régions éloignées. Déjà, les producteurs en région ont des revenus inférieur à ceux qui exploitent des fermes laitières à proximité des grands centres. Donc, il y a le coût de transport qui est un intrant. Nous avons notre système de répartition des coûts de transport qui nous permet d'avoir un équilibre avec la répartition égale des coûts de transport. Mais il y a des éléments qui sortent de notre contrôle de la gestion, comme le climat. Et sur ce point, les producteurs de la région ont pratiquement un mois de retard pour les semences par rapport à ceux de la vallée du Saint-Laurent ou à proximité de la frontière américaine. Ça fait partie de l'affaire aussi, si bien qu'il cite même l'exemple de la Californie, en disant l'exemple des grandes fermes laitières de la Californie. Dans cet état, l'eau est devenue un problème de taille pour les agriculteurs en raison des longues périodes de sécheresse. Le lait est composé à 87 % d'eau, 13 % de matière solide. Il serait impensable pour la Californie de produire du lait sans soutien de l'État pour le financement des puits pour approvisionner en eau les fermes. C'est des exemples que même la géographie a un effet, donc ces leviers dont on sert pour essayer de contrôler, c'est pas si fou que ça en quelque part. Mais moi, j'en retiens deux choses d'intervention de cette personne-là, c'est que tous les gouvernements ont toutes sortes de moyens finalement pour aider le secteur. L'exemple de la Californie est intéressant. Là-bas, c'est pas un problème de froid comme au Québec ou de saison trop courte comme au Québec, c'est un problème de sécheresse. Donc, indirectement, les producteurs sont subventionnés par le biais de l'approvisionnement en eau, c'est-à-dire qu'il y en a une partie de l'approvisionnement en eau qui est réservée, une grosse partie qui est réservée pour les producteurs agricoles. L'autre élément que je trouve intéressant, c'est que c'est tout à fait vrai que l'agriculture québécoise est fragile parce qu'on est au nord-est du continent, puis on le sait très bien, on le sait particulièrement bien. Ces jours-ci, la saison est courte, il fait froid, c'est pas drôle, c'est héroïque, la production agricole dans un pays comme le Québec. Donc, si on veut garder des petites fermes, si on veut garder des fermes, c'est-à-dire moins grosses qu'au Wisconsin, si on veut les garder dans différentes régions au Québec, si on veut garder vitalisées, c'est-à-dire en bonne santé les régions du Québec, je pense que c'est normal qu'on donne un coup de pouce à notre secteur laitier. Dans quelques instants, on vous parle maintenant des arguments contre. Restez là. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL avec David Lemelin au micro et Jean-Claude Cloutier en collaboration. Et aujourd'hui, on vous parle de la gestion de l'offre. On a parlé des arguments pour, on a placé un peu les choses dans la première demi-heure. Maintenant, on aborde ceux qui sont contre, hein, et on en a aussi glissé un mot. Allons plus précisément. Je vais vous lire, et je vais me passer la bouche à la laine d'acier après, je vais vous lire un texte de l'Institut économique de Montréal que je chéris, que je porte dans mon cœur très profondément. Donc, Michel Kelly-Gagnon, qui est président, directeur général de l'Institut économique de Montréal, signe ce texte à titre personnel. On prend soin de préciser ça. Il y a sûrement une grande différence entre ce qu'il pense et ce que l'Institut va dire. Mais bref, allons-y. 9 choses à savoir sur la gestion de l'offre. 1. La gestion de l'offre coûte cher pour tout le monde. La population canadienne paie chaque année plus de 3 milliards en trop pour son lait, sa volaille et ses œufs en raison de ce système. Cet estimé ne provient pas de l'Institut économique, mais plutôt d'une organisation internationale réputée. Bon, c'est le fun, ça veut dire que l'Institut n'est pas réputé. À savoir l'Organisation de coopération et de développement économique. D'autres estimations vont jusqu'à 6 milliards par an. 2. La gestion de l'offre appauvrit les plus pauvres. Tiens. Les ménages canadiens faisant partie du quintile le plus pauvre paient environ 340 $ de plus par an pour faire leur épicerie que s'il n'y avait pas eu de gestion de l'offre. Concrètement, cela pourrait faire de rabaisser sous le seuil de pauvreté de 130 000 à 190 000 Canadiens. De plus, le revenu moyen des fermiers canadiens sous gestion de l'offre va de 148 000 $ pour le lait à 180 000 pour les volailles et les œufs. celui des autres ménages canadiens est de 81 300. Et cet écart de revenus en faveur des fermiers par rapport à la moyenne canadienne ne tient même pas compte de la valeur moyenne nette de leurs actifs, qui atteignent respectivement 3,8 et 5,8 millions. Dans ce cas précis, la gestion de l'offre vient à redistribuer le revenu des gens moins fortunés vers des gens relativement plus fortunés. 3. La plupart des agriculteurs ne sont pas soumis à la gestion de l'offre. Près de 90 % des fermes canadiennes fonctionnent déjà hors de la gestion de l'offre. En effet, sur plus de 100 000 producteurs canadiens, environ 12 300 seulement opèrent sous le régime de la gestion de l'offre, principalement dans le secteur laitier. La quasi-totalité de la production agricole est donc soumise aux réalités du marché et à la concurrence et ne s'en porte pas plus mal. Bref, il est totalement faux de prétendre que l'on ne peut opérer une entreprise agricole au Canada en l'absence du système de gestion de l'offre. 4. La gestion de l'offre nuit aux nouveaux agriculteurs. Au Québec, où le prix du quota représente près de la moitié de la valeur totale d'une exploitation laitière, on vous demande pratiquement d'acheter votre ferme deux fois. Une première fois pour la posséder et une autre pour avoir le droit de produire du lait. Tout cet argent dépensé pour l'acquisition de quotas est autant d'argent qui ne sera pas investi dans l'équipement, des animaux, des améliorations technologiques, bref, tout ce qui permet de faire croître et rentabiliser une exploitation. 5. La gestion de l'offre nuit aussi aux agriculteurs établis. En plus de rendre l'investissement agricole moins intéressant, de compliquer le transfert d'entreprise et de décourager la relève, la gestion de l'offre est aussi néfaste à certains égards pour les agriculteurs établis. Le producteur de lait ou de volaille qui fait des gains de productivité se trouve pris avec un problème. Il doit racheter des quotas afin d'avoir le droit de vendre ce qu'il a réussi à produire en plus ou réduire sa production. On conviendra qu'il ne s'agit pas là de la meilleure façon de stimuler l'innovation. 6. La gestion de l'offre empêche la croissance de l'industrie laitière. Il y a 30 ans, la Nouvelle-Zélande et le Canada avaient des productions laitières à peu près équivalentes. Celle du Canada n'a presque pas bougé, tandis que celle de la Nouvelle-Zélande, libéralisée, a pratiquement triplé et le pays fournit maintenant à lui seul le tiers des exportations mondiales. Les secteurs sous la gestion de l'offre regardent passer le train pendant qu'une classe moyenne émerge partout sur la planète et que les besoins alimentaires augmentent. J'achève. Donc, 7. La gestion de l'offre nuit à l'économie dans son ensemble. Chaque fois qu'il en est question d'ouvrir des marchés étrangers pour la production canadienne, par exemple, lors de négociations d'accords de libre-échange, la gestion de l'offre revient sur la table. Comment pouvons-nous exiger de pouvoir vendre nos produits ailleurs si nous refusons la réciproque? Lorsque nous maintenons ou mettons en place des barrières commerciales, nous donnons des arguments à ceux qui veulent faire de même envers nous. Récemment, le président américain et son ministre du Commerce ont tous deux lié la question de la gestion de l'offre dans le secteur laitier au dossier du bois d'œuvre. Et ça, on va en reparler. Et le président Trump a annoncé que les producteurs canadiens de bois d'œuvre exportant aux États-Unis auront dorénavant payé des tarifs d'environ 20 % Point 8. La gestion de l'offre ne permet pas la survie des fermes familiales. On l'a abordé un peu. Plus de 90 % des fermes canadiennes ont disparu depuis 1971, lorsque le régime de gestion de l'offre a été mis en place. L'objectif de sauvegarde des petites fermes n'a donc pas fonctionné. Heureusement d'ailleurs, la consolidation est un phénomène économique naturel qui ne se limite pas aux entreprises agricoles. Dans le cas de l'agriculture en particulier, c'est une bonne chose. Ah. Il y a 150 ans, la moitié des travailleurs nord-américains gagnaient leur vie sur une ferme. Aujourd'hui, c'est moins de 2 %. À mesure que la productivité agricole augmente, nous consacrons davantage de ressources à produire autre chose que ce que l'on mange, ce qui nous enrichit collectivement. Et puis 9, les agriculteurs seront indemnisés. D'abord, précisons que la vie agricole est déjà difficile pour les plus petits producteurs, particulièrement ceux qui ont dû acheter leur quota de production récemment et emprunter pour le faire. Ensuite, l'abolition des quotas de production suppose évidemment une indemnisation. En Australie, par exemple, le rachat des quotas a été financé par une taxe temporaire qui a tout de même permis aux consommateurs de bénéficier rapidement de prix plus bas et d'indemniser justement les producteurs. Nous pouvons faire la même chose ici. Jean-Claude, il y a du matériel en masse là-dedans. Il y a quelques points qui retiennent ton attention plus particulièrement. Ben, je trouve, oui, il y a tous les points quand même méritent d'être entendus là, et d'y réfléchir, mais je pense qu'il y a certaines exagérations dans certains cas, puis souvent on peut apporter quand même un contre-argument. Par exemple, à la première lecture du texte, moi, ça m'avait beaucoup frappé, un de ces points dans lequel il disait que ça accroissait l'inégalité, notamment il mentionnait le fait que les producteurs agricoles, sous gestion de l'offre, là, ont un revenu annuel de 148 000 $. Oui. Et dans le cas de la volaille, c'est même 148 80 000, alors que les ménages canadiens, en général, c'est quasiment la moitié, c'est 81 000 $. Monsieur Calais-Gagnon oublie de mentionner ou de considérer que les producteurs agricoles, c'est plus assimilable à des entreprises qu'à des travailleurs ordinaires. Oui, c'est ça. Puis il oublie de considérer que ces gens-là ont investi dans leurs fermes, qui vivent des risques. On l'a mentionné tantôt, ils peuvent se faire... le marché peut se retourner contre eux autres. Puis il oublie de mentionner également que la valeur du quota puis de leur ferme, c'est leur fonds de pension. Ouais. Alors qu'un travailleur, un fonctionnaire, par exemple, son fonds de pension n'apparaît pas dans son salaire, mais il va le toucher pareil à la fin de sa carrière. Donc, c'est un... M. Calais-Gagnon, là-dedans, il présente l'argument d'une façon qui sert sa thèse, mais je pense qu'il oublie de considérer certaines choses qui sont également importantes. Un autre élément qui a retenu mon attention, puis ça, c'est vrai que c'est une question de choix, dans le fond. Il mentionne qu'en Nouvelle-Zélande, c'est quand même extraordinaire. La Nouvelle-Zélande, c'est aux antipodes, c'est loin de tout, sauf de l'Australie. C'est un petit pays d'à peu près 3 millions et demi d'habitants. C'est à la moitié du Québec, à peu près. Et ils ont quand même la première entreprise mondiale d'exportation de produits laitiers qui s'appelle Fonterra. C'est la première puissance mondiale du lait. Il appelle ça même l'or blanc là-bas. Il serait possible d'imaginer, M. Calais-Gagnon a raison là-dessus, il serait possible d'imaginer qu'une ferme québécoise comme Agropeu, par exemple, l'ancienne coopérative de Granby, devienne une espèce de Fonterra québécoise. Que plutôt qu'avoir 4-5 000 petites fermes au Québec, on ait quelques grosses fermes, qu'on ait une espèce de coopérative, là, super coopérative, qui devienne elle aussi une puissance mondiale en concurrence avec Fonterra. C'est une question de choix. Est-ce qu'on veut privilégier des petites fermes, un mode de vie plus traditionnel, ou si on veut plutôt se concentrer vers la grande industrie? Le débat est ouvert. Moi, je préfère quand même peut-être garder le modèle plus traditionnel, mais d'autres choix sont tout à fait légitimes. Notamment pour les questions environnementales dont tu parlais, c'est-à-dire que quand on a des super productions aussi, il y a ce qui vient avec. Il y a quand même une conscience agricole au Québec qui s'est développée au cours des décennies, notamment en ce qui a trait à la trace qu'on peut laisser sur la terre. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est des choses qui ont une valeur et qu'on comptabilise peut-être mal là-dedans. Là. Oui. Ben oui. D'ailleurs, moi, j'étais peut-être rappeler, parce que certains s'en rappelleront peut-être, il y a une commission sur l'avenir de l'agroalimentaire au Québec, souvent connue sous le nom de rapport Pronovo, et qui est une commission très importante, qui a fait du travail de grande envergure, très bien documenté, puis qui préconisait justement la préservation des petites fermes au Québec pour des raisons qu'on a déjà mentionnées, c'est-à-dire c'est une condition essentielle à la vitalité des régions du Québec, puis c'est un mode de vie, dans le fond, qui est respectueux de l'humain et de l'animal aussi, puis de l'environnement. Mais même le rapport Pronovo donnait un petit peu raison à Calais-Gagnon. Puis je pense que Calais-Gagnon a lu le rapport Pronovo parce qu'il reprend un peu les mêmes arguments. Le rapport Pronovo se posait des questions sur les quotas, justement, pour les raisons qu'on a mentionnées tantôt, c'est-à-dire qu'on se tire un peu dans le pied. Les quotas ont pris une telle valeur, ça devient quasiment un instrument de spéculation. Puis il vient qu'on n'est plus capable, la relève agricole n'est plus capable de se manifester. Les parents peuvent plus vendre la ferme à leurs enfants parce que si jamais ils sont intéressés à la reprendre, parce que ça coûte trop cher. Puis les parents disent, faut bien que je vende le quota pour sa valeur, parce que c'est ça ma pension. Donc on est pris dans une espèce de cercle vicieux. Comment revenir en arrière? Le rapport Pronovo n'avait pas trouvé vraiment de solution là-dessus, mais il disait qu'il fallait arrêter de considérer les quotas comme un bien individuel, c'est un bien collectif. Il faudrait que le gouvernement gère ça, s'organise dans le fond pour peut-être faire baisser la valeur sans pénaliser trop les agriculteurs qui ont mis leur vie, finalement, à l'entretien et à la production de leur ferme. Fait que la solution, c'est pas le libre marché, en tout cas. Il y a un besoin, il y a un nécessaire contrôle, en quelque part. Il y a un nécessaire contrôle, puis si l'État intervient pas, ben on l'a vu récemment, on a même parlé brièvement à cette émission-ci, il y a des industriels, il y a des entrepreneurs comme le bien connu Charles Sirois, qui a proposé une nouvelle ferme qui s'appelle Pangea, qui se propose justement de s'insérer dans ce marché problématique-là, c'est-à-dire entre ceux qui veulent vendre leur ferme et les enfants ou les nouveaux agriculteurs qui sont pas capables de l'acheter, lui achèterait la ferme, puis louerait la ferme aux jeunes agriculteurs. Donc, on reviendrait à une espèce de système de fermage là qui ressemble beaucoup à ce qui est en vigueur dans les pays en voie de développement ou qui est en vigueur au Moyen-Âge en différents endroits. Dans les arguments, j'en sors un. Par exemple, il y avait du côté de l'UPA, on dirait qu'à cet argument-là de réglementer, ça ferait du bien. On disait dans tous les pays où les gouvernements ont choisi la déréglementation du lait, les consommateurs n'ont profité d'aucune baisse de prix. Bon, ça reste à voir, mais ce sont les transformateurs et les distributeurs qui ont mis la main sur les marges additionnelles. Ce n'est pas vrai que les consommateurs en profitent. Et ça, ça se voit quand même de temps en temps. Quand il y a des marges qui s'y libèrent, c'est drôle, hein, par hasard, c'est pas... Ça moi, j'ai fait allusion tantôt à mes études en économie. Le modèle, dans le fond, on pourrait l'expliquer de la façon suivante, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est que au départ, dans une nouvelle industrie, il y a beaucoup de petits producteurs, la concurrence joue, mais la concurrence joue à tel point que maintenant, il y en a qui sont plus capables de continuer, donc ils vendent leur ferme, ils vendent leur exploitation, ils vendent leur entreprise, puis ça se concentre de plus en plus. Mais quand tu es rendu avec un monopole, quand tous les petits producteurs ont disparu, on est rendu avec une grande entreprise, une grande ferme, là, la grande ferme qui devient un monopole peut charger les prix qu'elle veut. Fait que dans un premier temps, le libre marché peut avantager le consommateur, mais à terme, c'est loin d'être sûr qu'il avantage le consommateur. Le gouvernement doit intervenir finalement pour régulariser les prix à ce moment-là. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu vite. Je t'en prie. Jean-Claude, oui, effectivement, donc, on parle du lait, bien fort, bien, c'est intéressant, mais pourtant, c'est ça. Comme on l'a mentionné un peu rapidement en début d'émission, il y a tellement de secteurs, il y a tellement d'autres qui font ça. Ben, un peu comme quand tu m'as interrompu tantôt, oui, il y a quelques raisons. J'étais parti c'était pour beau, dire... par exemple. Ben, c'est ça, mais j'étais parti pour dire que finalement, quand tu laisses le libre marché fonctionner, c'est bien beau dans un premier temps, peut-être pour les consommateurs, mais tôt ou tard, ça finit par être le chaos, puis tu te ramasses avec une situation qui est loin d'être optimale parce que souvent, c'est quelques entreprises qui peuvent faire la pluie le beau temps. Alors, c'est pourquoi tous les secteurs, finalement, pour éviter la compétition trop, la concurrence sauvage ou déloyale, insistent pour avoir une certaine protection, une certaine gestion de l'offre. Ça prend différentes formes. Il y a le secteur, il y a les quotas dans le domaine agricole pour certains secteurs, mais dans d'autres domaines, c'est des permis dans le taxi, par exemple, les permis de taxi. Puis, comme je mentionnais tantôt, ça ressemble un petit peu aux quotas agricoles parce que ça prend une valeur qui devient un peu démesurée. On ne sait plus trop comment revenir en arrière. L'hébergement touristique, c'est pas tout le monde qui peut ouvrir une hôtellerie ou un bread and breakfast. Ça te prend un permis. Ça, c'est une façon de gérer l'offre, s'assurer qu'il n'y a pas trop de producteurs, puis s'assurer en même temps d'une certaine qualité. Mais je vais prendre des exemples même plus grandioses que ça. Cette semaine, on apprenait que l'OPEP, l'Organisation des producteurs de pétroliers dans le monde, a décidé justement de relâcher un petit peu, de relâcher ses quotas pour faire baisser un peu le prix des pétroles. Parce qu'eux-mêmes, ils s'appliquent entre eux-mêmes. Ce n'est pas défini par un gouvernement. En fait, c'est différents gouvernements qui, entre eux, décident de contrôler, de gérer l'offre, finalement, de produits pétroliers à l'échelle mondiale pour s'assurer que les prix demeurent attrayants, demeurent rentables pour les pays producteurs. Prendre un exemple plus local, bien connu, tous les permis professionnels, tous les ordres professionnels au Québec sont gérés par un permis d'accès à la profession. Là, le Collège des médecins avouera jamais qu'il hésite à donner des permis parce qu'il veut m'aider les prix élevés sur les rémunérations des médecins. Il l'avouera jamais, mais ça a un peu cet effet-là quand même. C'est-à-dire, quand tu restreins l'accès à la profession, puis on pourra l'appliquer aux avocats, puis aux ingénieurs, puis à toutes les professions qui sont soumises à... D'autres exemples, peut-être, pour montrer qu'on retrouve ça partout. On en a parlé ici, la bourse du carbone, c'est exactement un système de quotas. C'est exactement un système de quotas. On dit aux producteurs canadiens, vous avez le droit de produire tant de milliers de tonnes de carbone, de CO2. Oui, c'est le droit de polluer, là. C'est ça. Fait que, finalement, c'est une méthode qui prend différentes formes dépendant le secteur. Et moi, j'ai vu souvent, de l'économiste, que je cite souvent cette émission aussi, parce que c'est une de mes revues favorites, souvent dénonce le fait que même aux États-Unis, qui se prétend un pays très, très libre-marché, il y en a presque tous les secteurs sont réglementés d'une façon ou de l'autre, puis l'économiste mentionne toujours le secteur des designers d'intérieur. Pour être designer d'intérieur aux États-Unis, il faut que tu aies une formation de tant de dizaines d'heures, il faut que tu aies un permis. Fait que pour les économistes, c'est un petit peu aberrant, mais ça illustre très bien, par exemple, que tous les secteurs veulent une certaine protection quant à la concurrence. Ça s'appelle, sous une forme ou l'autre, différentes formes de gestion de l'offre. Et de toute façon, on n'a pas fini à cet égard-là parce que Donald Trump en est un exemple, c'est-à-dire qu'avec son America First, il a cette volonté-là de protéger ses secteurs. Donc, ça veut dire, d'ailleurs, on le voit là, actuellement, le G7 est réuni, ça discute. Là, on a parlé de climat, mais du reste, ça fait partie de ces questions économiques où on sait très bien que ça va être plus compliqué. En tout cas, c'est moins évident, ça, c'est clair. Ben dans le cas de M. Trump, on a souvent mentionné ses contradictions parce qu'il s'est vu un principe très oui. libre-échangiste, mais exact. Quand ça fait son affaire, c'est-à-dire, pour lui, la gestion de l'offre, ça veut dire, ça s'appelle pas des quotas, mais ça veut dire on va limiter les importations pour s'assurer de développer la production américaine d'abord. C'est pour ça qu'on lui parle du bois d'œuvre, notamment. C'est pour ça que ça revient. Ben ça revient à l'argument de M. Kelly-Gagnon tantôt, oui. c'est qu'on est un peu pris aussi dans le sens que c'est que si on protège le secteur laitier, on peut plus difficile de protéger d'autres secteurs, c'est toujours du, comme ils disent en anglais, du give and take, c'est-à-dire tu peux pas gagner sur tous les tableaux. M. Trump pense qu'il peut gagner sur tous les tableaux, mais un pays comme le Canada est obligé de faire des compromis puis de dire, ce que Kelly-Gagnon disait dans le fond, c'est que si on protège le secteur laitier, peut-être qu'il va falloir laisser tomber d'autres. Mais c'est normal, puis on, quand l'accord Canada-Europe a été conclu il y a quelques années, donc, on a déploré au Québec le fait que le Canada semblait avoir privilégié les exportations de bœuf en Europe plutôt que la protection du secteur laitier au Canada. Donc, effectivement, les pays doivent faire des choix. En tout cas, les États-Unis vont prendre leur place. Trump va prendre sa place pour avoir vu la photo qu'il prenait à un moment donné. Il s'est faufilé à l'avant. Il en a tassé un. Il dit, tasse-toi, c'est moi qui vais en avant. Ça s'arrêtera pas comme ça. En conclusion, Jean-Claude, le système gestion de l'offre, ça va mourir, ça va continuer, ça va... Est-ce que tu as des projections? Moi, je pense que ça va demeurer, mais parce que ça a une grande importance au Québec, puis le Canada peut pas laisser tomber ça aussi facilement. Puis je pense l'exemple qu'on a mentionné beaucoup tantôt, ce qui est arrivé en 2015 en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays, les chutes abruptes des prix laitiers, on se rend compte finalement qu'abandonner la gestion de l'offre, ça peut avoir des conséquences funestes. Là, t'as fini, hein? Oui. Alors, Jean-Claude, notre dernier chiffre de la semaine, c'est le 6%. Oui, 6% parce que ça a attiré, moi, c'est cette semaine, en me déplaçant en auto, j'entendais un commentateur de l'industrie, en fait, de la Chambre de commerce, je ne me souviens plus quel endroit, qui disait que le secteur de la construction était très important, puis c'était 12% de l'économie du Québec. J'ai trouvé ça considérable. Et j'ai dit, pour moi, il se trompe, pour moi, il exagère un petit peu. Je suis allé vérifier, effectivement, c'est plutôt de 6% l'importance du secteur de la construction, tant au niveau des emplois. Parmi les emplois, il y a 4 100 000 personnes en emploi au Québec en 2016, en tout cas. Et le secteur de la construction, c'était 236 000 personnes en emploi dans le secteur de la construction, 5,7% donc des emplois. Puis si on regarde ça au niveau de la production du PIB, en janvier 2017, donc le PIB du Québec, c'est 324 milliards. La construction, c'est 20 milliards là-dessus, donc 6,2%. 6%, c'est quand même important. C'est moitié moins que le 12% que la personne mentionnait en ondes, mais c'est quand même très important. Puis la construction est importante aussi parce que c'est un secteur, les économistes appellent ça des secteurs discrétionnaires, un peu comme le commerce de détail, c'est-à-dire quand ça va mal, quand t'as moins de revenus, tu peux couper sur bien des choses, mais tu couperas pas sur la santé, tu vas continuer de t'alimenter, tu vas continuer de payer ton loyer, tu vas continuer de payer ton électricité, mais tu peux renoncer à tes projets de rénovation. Si on va laisser aller les routes, par exemple. Tu peux laisser aller les routes, on n'achètera pas de maison neuve, on ne changera pas de maison tout de suite. Donc, c'est un secteur qui est très fragile, qui réagit très vite aux difficultés économiques. Et inversement, c'est un secteur qui peut très vite générer de l'activité économique. C'est pour ça que M. Trudeau s'est fait élire en annonçant 80 milliards, je pense, d'investissement dans un projet d'infrastructure. C'est de la construction. Ça paraît pas aussi vite qu'il l'avait annoncé, mais ça peut avoir l'effet de relancer l'économie assez rapidement. Oui, il y a un lien très étroit. Maintenant, question d'actualité. Ben, aux États-Unis et au Canada, on rappelle que beaucoup de ménages vivent dangereusement compte tenu des paiements mensuels qu'ils doivent effectuer. Ils sont à la merci d'une hausse même minime des taux d'intérêt. Ça, c'est... On se sent un peu visé, tout le monde. Ben, cette semaine, oui, c'est ça, on entend ce genre de nouvelles-là à peu près tous les 3 mois, mais moi, je comprends pas justement que ça s'est jamais réglé, puis ça semble empirer. Cette semaine, il y avait à la fois du côté des États-Unis et du côté du Canada, on avait le même genre de nouvelles. Il y avait une manchette cette semaine qui disait qu'un Américain sur trois était en difficulté financière, puis même que près de la moitié des Américains, c'est-à-dire 44%, affirmaient de ne pas être en mesure de faire face à une dépense exceptionnelle de 400 $. C'est quand même pas beaucoup, là, quand tu es à 400 $ près d'être en problème. Fait que, on a beau dire que l'économie a repris depuis 2008. On a beau dire que tout va bien. Moi, je trouve que c'est drôlement fragile, puis c'est drôlement inquiétant. En fait, ce que les analystes, puis je pourrais mentionner que des nouvelles un peu semblables pour le Canada ont été mentionnées aussi, que la situation est précaire pour les jeunes ménages canadiens, la génération des Y, qu'on appelle génération des Y, les gens de 20 à 35 ans environ présentement, qui sont endettés au plan de vue hypothécaire. Tout ça s'explique en partie par le fait que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, donc depuis 2008-2009. Et ben, ce que les analystes disent, par contre, que même une hausse de 1% du taux d'intérêt, ça se traduit par une hausse de 10% du paiement hypothécaire. Donc, une espèce de fait d'amplification. Et ça peut venir vite, une hausse de 1% du taux d'intérêt des taux d'intérêt hypothécaires. Oui, parce qu'on disait beaucoup, on veut stimuler la consommation pour relancer l'économie, mais c'est beaucoup le crédit, finalement. On s'endette. C'est plus sûr. Ça fonctionne essentiellement par l'endettement, puis il se fait déjà quelques années que c'est le cas, puis beaucoup d'analystes disaient que ça va exploser, ça ne peut pas continuer comme ça, mais ça continue comme ça. Je pense qu'on vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un rajustement qui risque de faire mal. Il est bon, l'élastique. Il est fort, l'élastique. Mmh. Merci, Jean-Claude. Voilà, c'est ce qui termine cette première saison d'Éconophile. J'espère que ça vous a plu. Notre objectif a été de vous présenter du contenu, de porter à votre connaissance une masse de savoir, d'informations, des livres dignes d'intérêt, de vous les présenter, de les mettre en valeur et de vous donner le goût d'en savoir plus, d'aller plus loin. Il y a aussi, il y avait aussi évidemment un contre-discours important que nous avons porté, je pense, un contre-discours qui fait obstacle très modestement au discours ambiant qui est très souvent constitué de raccourcis intellectuels, de mensonges aussi, de sophismes, démagogie, populisme. Un discours où les faits d'ailleurs alternatifs sont assez tristement souvent la principale alternative. Or, les faits sont les faits, la connaissance scientifique est noble et indispensable, le savoir a une valeur exceptionnelle, inestimable. Nous vous avons présenté un autre point de vue, l'envers d'une médaille qu'on vous présente toujours du même côté, en tout cas j'estime, un point de vue que nous avons cherché à appuyer constamment sur des faits, sur la recherche, sur les écrits des meilleurs esprits, en espérant que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné le goût de lire, de contre-argumenter un point de vue erroné qu'on vous présenterait, le goût de voir l'être humain comme autre chose qu'un facteur de production, qu'un outil contributif à la croissance. L'être humain doit primer sur l'économie. L'économie doit être au service de l'humain, toujours et de plus en plus. Si vous cherchez des références, de quoi documenter vos positions, vous trouverez dans chacune de nos 33 émissions de quoi vous nourrir amplement et de quoi peut-être contribuer à changer ce monde, une goutte à la fois, une idée à la fois. Parce que, dans le cas contraire, s'il y a une certitude et une seule, si on tente quelque chose, ça se peut qu'on change rien. Mais si on fait rien, c'est sûr à 100% que rien ne changera. Alors voilà, nous vous avons présenté l'émission Éconophile. Merci beaucoup, Jean-Claude Cloutier. Merci de m'avoir écrit, de m'avoir fait signe de la main pour venir te joindre à ma modeste équipe composée de moi-même. Merci, David. Ça fait un honneur et un plaisir. Effectivement, et moi de même. Vraiment, un grand plaisir. Donc, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter et réécouter tout l'été en balado. Merci, bonnes vacances, bon été et à très bientôt.